Laissez-moi seul dans mon trou. Je ne veux que personne vienne me voir. Oui, je suis bien dans le noir. Bébé, mon cœur, il est mort. J'ai pas vu venir l'ennemi. Les traites viennent souvent de la mif. Bientôt, je repars à mon bled. Oui, j'ai de la famille dans le riff. Je remercie Dieu tous les jours. Alhamdoulilah, je ne suis pas un autiste. On choisit pas sa famille, sinon papa serait rôti. Dis-moi qui pense me connaître. Qui pourra te dire qui je suis? Je suis choqué de mes amis. Tu sauras jamais ce que je sais. Si ça se déchire à Marseille, wallah, c'est pour des réseaux ahurissants. Ils enlèvent la vie à tout va. Et wallah, qu'ils ont pas peur du tout puissant. Ils ont tué mon poteau. Je ne m'en remettrai jamais. Les mecs qui te lèvent la vie, c'est ce que tu vas croiser au jamais. Des couteaux dans le dos, maintenant je sais avec. Je sais quand je vais mourir, y'en a qui seront la paix. Une rafale dans mon corps, maman, non, ne pleure pas. Je serai mieux là-haut, la terre ne me va pas. Demande-moi qui veut ton malheur. Je donnerai le nom de tes potes. Je te donnerai le nom de tes frères. Même de celle à qui t'a donné la dot. Maman nous a éduqués. Mais c'est nous qui partait en couille. On partait voler des voitures. Ray, quand toi tu partais en cours. Je demande à Dieu qui me guide. La marche arrière est cassée. Je voulais que la juge m'acquitte. Ils m'ont levé mes lacets. On a grandi dans la haine, on s'en bat les couilles de la mode. J'arrête de traîner au check, depuis un moment gros ça pue la mort. Je me suis mélangé à eux, crois-moi gros j'aurais pas dû. Oui la calache est payante, les balles sont payantes mais ta mort est gratuite. Qui veut nous mettre à l'amende, me pousser à faire la bêtise. Gros on fait pas les voyous, mais on n'est pas des victimes. Des couteaux dans le dos maintenant je fais avec. Je sais quand je vais mourir, y'en a qui feront